ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمرحبا بكم مرة أخرى، ولقد كنا مع شريط لأخينا الشيخ عبد الملك رمضاني الذي كان في بيان يعني ما معنى الحكم بما أنزل الله، ودرء الفتن عفوا ودرء الشبهات التي ينسجها بعض التكفيريين حول مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc on était en train d'écouter à notre frère Abdel Malik Ramadani, qui est très connu bien sûr. C'est un Algérien. C'était le premier en Algérie à avoir dit à haute voix que le parti en islam, ça n'existait pas. Le parti, le fils, le FLA, ça n'existe pas en islam. C'était le premier, l'un des premiers à. Alhamdoulilah, qu'Allah Azza wa Jal a fait de lui quelqu'un qui a brisé le dos des takfiriens en Algérie. Des takfiriens et même partout. Pas seulement en Algérie, parce qu'il vit maintenant en Arabie Saoudite. Mais ce qui est malheureux, c'est que je vois dans une salle, dans certaines salles, où il y a des frères et des sœurs. Comme je vois maintenant, la salle est ouverte devant moi, je lis ici, c'est écrit. C'est qu'il rappelle dans la croix, dans la clairvoyance l'Athari, F-R-A-R, rappelle dans la clairvoyance l'Athari. Et quand tu rentres à l'intérieur, que tu trouves en haut sur la bannière, c'est écrit son site, tu rentres à l'intérieur du site, mise en garde contre qui? Contre Tabligh ou Takfir? Non, contre Abdel Malik Ramadani. La hawla wa la quwwata illa billah. Contre qui encore? Contre Cheikh Rabia, Masha'Allah, Cheikh Rabia. Contre qui encore? Contre tellement je suis énervé. Jaber. Wasmo Abu Anas al-Ubaydi ou wasmo hadak sito. Cheikh al-Muhim. L'un des plus grands savants d'Arabie Saoudite. Ubayd al-Jabiri. Ah, je l'ai trouvé, Inch'Allah. Mise en garde contre Ubayd al-Jabiri. La hawla wa la quwwata illa billah. Ubayd al-Jabiri. Non, mise en garde contre Ubayd al-Jabiri, contre Cheikh Rabia, contre Abdel Malik, contre Kera. Et je vois des frères et des sœurs assis à l'intérieur. Qaddar Allahumma shafa'at. Allah nous allimana dinana wa niyahdiya haoulaï. Abdallin al-Ghawin. Aujourd'hui, Inch'Allah, on est avec Sahih al-Jama'. On continue, Inch'Allah, certains hadiths. On s'est arrêté au dernier, si je n'ai pas oublié, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit احفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. On avait dit que le musulman devait laisser sa barbe au moins jusqu'à ce qu'elle dépasse la poignée, au moins jusqu'à ce qu'elle arrive à la poignée de la main, s'il la prend avec la poignée de sa main. On avait dit que ce n'était pas de la sunna de raser la moustache, mais qu'il fallait laisser sa moustache, il fallait en prendre. On prend, quand il y a beaucoup, on prend par-dessus, on prend sur les côtés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih de Abu Daoud, sahih Abu Daoud, l'allama al-Albani, il a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un Mughira ibn Shu'ba, il l'a vu avec la moustache assez longue qui descendait vers la lèvre inférieure. Il lui a dit, tu veux que je te coupe la moustache avec le siwak? Ensuite il a pris le siwak, je ne sais pas si c'est son siwak sallallahu alayhi wa sallam ou le siwak de Mughira, je ne sais pas. Il l'a mis comme ça sous, au-dessus yani, de sa lèvre, sur sa moustache, et il lui a coupé par en haut. Il l'a mis en dessous et lui a coupé par en haut. Donc il lui a laissé la moustache, il lui a enlevé les cheveux qui descendaient ou là, les poils qui descendaient vers la bouche. C'est pour ça que l'imam Malik, dans son madhab, quiconque rase toute la moustache, on le fouette. Entre 1 et 10 coups de fouet. Ça dépend, 5, 6, 7, 8, 10. Pourquoi? Parce qu'il a fait, parce que l'imam Malik, il a fait la mousla. La mousla, c'est quand on prend quelqu'un qui est vivant, on lui enlève, même mort, on enlève ses oreilles, ou là on lui enlève un nez, ou là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tarir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose quand quelqu'un enlève toute sa moustache, quand on le voit déjà, on sent que la zauja, c'est pas ainsi qu'il l'a créé. Il a fait changer quelque chose. Ensuite, on a dit que ce qu'il a dit, ensuite, je vous ai montré que, en islam, quand quelqu'un a une barbe par exemple blanche, il la laisse pas blanche. S'il la laisse, ce n'est pas interdit. Mais la sunna, c'est quoi? C'est de la changer pour qu'elle soit pas blanche. Pourquoi? Pour ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Parce que eux, ils laissent la barbe blanche. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Bukhari, on lui a ramené le père de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Abu Quhafa. On le lui a ramené avec ses cheveux tout blancs et une barbe blanche. Peut-être qu'il avait 80 ans, peut-être 90. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, change-lui, ou bien il lui a dit à lui qu'il fallait changer cela. Il lui a dit, rayiru shibahu, changez-lui et ses cheveux grisonnants et sa barbe. Donc c'est de la sunna de changer. Ensuite, quelqu'un m'a posé une question, j'ai oublié, qu'il m'a dit, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que on ne doit pas changer cela, etc. Je dis à mon frère ou ma soeur qui a dit ça, peut-être que tu n'as pas bien compris. On ne change pas pour tromper les gens. Quelqu'un, par exemple, il a les cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il est assez âgé. Il va les peindre, par exemple, en noir. Il va les teinter pour se remarier. Pourquoi? Pour tromper la femme ou bien tromper ses parents afin qu'ils paraissent jeunes. Ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est duper les gens. Mais faire la sunna, faire le teintement Adam, pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a coupé Allah, là tu as ajr. Pourquoi? Tu l'as fait pour suivre la sunnah et non pas pour tromper les parents de la femme. Voilà la différence entre les deux. Thumma yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, nabda inshallah hadith al-yawm, yaqul a'linu an-nikah. Il a dit a'linu an-nikah, hadith bon, hasan, a'linu an-nikah. En islam, il est interdit de se marier si on cache cela, on ne peut pas le montrer. On ne peut pas le montrer que je suis marié avec telle femme. Ça, en islam, c'est interdit. Certains disent le mariage est annulé, et certains disent non, c'est seulement haram. C'est seulement haram. Mais que ce soit haram ou annulé, c'est déjà quelque chose. Déjà, le mariage n'a pas bien commencé. Déjà, il a commencé par quoi? Par enfreindre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mariage qui se fait seulement entre l'homme et la femme sans parler aux gens, ou bien l'homme et la femme et les deux témoins, et ils se disent, ou bien l'homme et la femme disent aux témoins, faut pas dire aux gens qu'on est marié. Ça, c'est interdit en islam. En islam, quand je vois une femme avec un homme et que je n'ai pas entendu qu'ils se sont mariés, moi, le shaitan va me dire dans mon cœur que celui-là, il fréquente cette femme. Pourquoi? Parce que la femme, je la connais, elle est de la même ville que moi. Elle est de la même ville que moi. L'homme, je le connais très bien, il est de la même ville que moi. Je n'ai jamais entendu qu'ils se sont mariés. Aujourd'hui, je les trouve ensemble, dans un jardin ou je ne sais pas où. Là, je vais dire, cet homme doit sûrement fréquenter cette femme. Je ne veux pas le dire, mais c'est le shaitan qui me fait dire cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfreint à qui? Au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit a'linu nikah. A'linu, je ne sais pas comment on dit en français, faites-le savoir aux gens. C'est pour ça qu'il est permis aux femmes de frapper avec ce qu'on appelle le douf, etc. et de chanter les chansons qui sont permises. Pourquoi ? Pour que quiconque passe, l'annoncer. Pour que quiconque passe dans la rue, il se demande qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là. On lui dit c'est X. X ici qui s'est marié avec Y. X ici s'est marié avec Y. Donc, alhamdoulilah, tout le monde sait qu'ils sont mariés. C'est pour ça que ils ont dit la différence entre le sifah et le nikah, c'est quoi? C'est quand on frappe avec le douf. Quand les femmes frappent avec le douf, elles font les chansons donc permises. Ça, c'est prouvé que ce n'est pas de la zina. Car la zina, on la fait en cachette, on ne frappe pas avec le douf et on veut que personne ne sache. Maintenant, si on a frappé, etc., c'est pour montrer que c'est halal. C'est halal. Tout le monde saura par la suite que X s'est marié, etc. Tout le monde a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith sahih, il dit Istasilu yawm al-jumu'a wa ghsilu ru'usakum wa in lam takunu junuban wa massu min at-tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de nous laver le jour du vendredi et de particulièrement de laver bien les cheveux. Même si on n'est pas en état d'impureté, même si on n'est pas en janaba, il dit lavez-vous le jour du vendredi et mettez un peu de musc, quand vous allez sortir de la maison pour aller à la mosquée. Ce que je sais, c'est que la plupart des ulama, l'impureté majeure, ont dit ceci concerne les hommes. Le hadith parle des hommes, car la femme n'est pas obligée d'aller à la prière du vendredi, donc elle n'est pas obligée de se laver. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai lu quelqu'un des grands ulama contemporains et j'ai oublié qui c'est. Ou bien Cheikh Fawzan, ou bien un autre qui a dit que même la femme doit se laver le Jumu'ah. Ça, je ne peux pas moi marier avec cela tant que je ne vois pas que des ulama avant lui ont dit cela. Peut-être que c'est un ijtihad, il a inchallah ta'ala un grand âge pour cela, mais je ne peux pas y aller comme ça, commencer à dire à la femme tu dois te laver ce jour-là le vendredi. Mais je marche avec ce qui est très connu que la plupart des ulama ont dit. Peut-être c'est Cheikh Fawzan, mais j'ai peur que même la fois passée, quand j'ai dit Cheikh Fawzan, j'ai aussi dit je ne sais pas si c'est lui. Je ne sais pas si c'est Cheikh Fawzan ou un autre, mais quelqu'un des contemporains. De toute façon, s'il a dit, même ici sur le computer, je l'ai. Donc l'homme, le vendredi, il doit se laver. Et les ulama ont divergé sur ce point, mais le plus juste, c'est de dire que c'est obligé. Et que s'il ne se lave pas sans raison, il rentre dans le ithm. Il rentre dans le ithm. Pourquoi? Parce que c'est ou bien obligé ou bien très très recommandé. Ça frise. Si c'est pas obligé, c'est très recommandé. Donc pour sortir toi des problèmes, tu fais composer les selfs radiallahu ta'ala anhum, tu te laves yom al-jumu'ah. Et le vrai musulman, yom al-jumu'ah, ne fait pas comme les ignorants qui vont à la salat du jumu'ah, prière du vendredi, ils vont avec le tchangai et d'autres vont avec le pyjama. Ils se lèvent avec le pyjama, il fait les ablutions, il va. Il dit la mosquée n'est pas loin, je vais faire la prière et je reviens. Avec le pyjama. Et d'autres avec la tenue du mécanicien. Il va faire la prière du Jumu'ah, l'une des meilleures prières chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec la combinaison du mécanicien plein de graisse. La hawla wa la quwwata illa billah. Yom Wa'id, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Yom Wa'id, Allah Azza wa Jal a fait ce jour, choisi pour qu'il soit un Eid. Le Eid, tu vas t'habiller avec une combinaison de mécanicien et la graisse. Le Eid, Yom Wa'id, et tu vas rencontrer qui? Tes parents ou la famille. Tu vas chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas avec le pyjama et tu vas avec la combinaison. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, ne pouvez-vous pas, quelqu'un de vous ne peut pas laisser comme ça deux vêtements pour le vendredi? Tu achètes quelque chose, tu ne la touches jamais, seulement le vendredi. Tu achètes un beau kamis blanc, et tu le laisses seulement le vendredi. Tu vas vendredi, tu fais la prière, tu reviens, tu le laves, tu le caches. Vendredi prochain, tu le mets, et voilà, c'est ça la sunna. Tu laisses un habit spécialement pour le Jumu'ah, le plus propre, le plus beau que tu as. Tu le laisses pour le Jumu'ah. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختنم خمسا قبل خمس. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit اختنم خمسا قبل خمس. يعني c'est un peu difficile à expliquer, mais je vous dirai un peu plus qu'est-ce qu'il veut dire. Il a dit essaye de profiter, يعني ne laisse pas passer cinq choses avant que ne se produisent cinq autres. يعني il a dit essaye de faire cinq choses, yani, profite avant que quoi, avant que ça soit difficile, et il y a cinq choses autres que ne pas te laisser les faire. Il y a cinq autres choses qui vont ne pas te laisser les faire. Quelle est la première chose qu'on doit yani, faire, qu'on doit yani, on profite avant qu'elle passe? Quelle est la première chose dans laquelle on doit profiter avant qu'elle passe? La première, c'est comme dans ce hadith, il a dit اغتنم خمس قبل خمسين حياتك قبل موتك. اغتنم حياتك قبل موتك. Profite de ta vie avant de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire profiter de ma vie avant de mourir? Profiter yani de haram, profiter de jouer et plaisanter? Non, les ulama ont dit quand tu vas mourir, il n'y a rien qui va t'arriver à la tombe sauf trois choses, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf trois choses. Il a mat ibn Adam, si l'être humain meurt, il n'a pas mis à l'œuvre. Toutes ses actions s'arrêtent, se coupent. Sauf trois choses. Sadaqa Jariya, s'il avait par exemple donné d'argent pour construire une mosquée, par exemple, ou bien il avait laissé il a acheté un coran, il l'a laissé par exemple dans la mosquée. Quiconque lit un mot, lit une phrase, un verset, ça t'arrive à la tombe, même après la mort. Et la troisième des choses, il a dit, oh, il monde. Ce qu'il a dit, ou bien il a laissé du ilm aux gens, maintenant les gens, tout ce qu'ils vont faire, lui aussi il va avoir dans la tombe, et il a dit, un enfant yani, bien éduqué, un enfant yani, religieux, pieux, etc., qui te fait des doigts. Les doigts arrivent dans la tombe. Et malgré cela, yani, il y a seulement ces trois choses qui arrivent. Donc c'est pour ça que le hadith a dit ici, profite de ta vie, essaye de faire le maximum, car très vite, il faut que tu meurs un séjour, ensuite rien ne va t'arriver sauf ces trois choses. Donc en fin de compte, l'intelligent va se dire, Allah, moi je ne vais pas passer une occasion pareille. Donc il y a des choses que si je les fais maintenant, elles vont m'arriver à la tombe. Donc je suis pas fou, jeter mon argent à droite à gauche et ne pas l'employer dans une de ces choses par exemple qui me fera arriver et hasanat après la mort. Donc le vrai, comme je disais, l'intelligent dès maintenant il pense à demain quand il sera dans la tombe, qui est-ce qui va lui donner les hasanat demain quand je serai dans la prison qui fait 1 mètre de long sur même pas 2 mètres de large, la prison noire. Il n'y a ni la famille qui vient te voir ni rien. Qui est-ce qui peut me donner une hasana? Personne ne peut me donner ni une hasana ni une moitié. Donc, ce jour-là, tu peux dès maintenant faire des choses pour que même être là-bas, les hasanat arrivent. Donc, awwalan, il a dit, ikhtan hayataka qabla mawtik. Donc, il a dit la première des choses, yani, profite de ta vie avant que tu ne meurs. Et rien ne va t'arriver. Ensuite, il a dit dans le deuxième, wa sihataka قبل سقامك وصحتك قبل سقامك. Parce que quand on est en bonne, il a dit, et le fait que tu sois en bonne santé, profite. Maintenant que tu es en bonne santé, profite de cinq choses avant l'âme. Profite maintenant que tu es en bonne santé avant que tu ne sois malade. Naam. Parce que quand on est malade, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas les faire. Pourquoi? Parce qu'on est malade. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, profite dès maintenant, tu n'es pas malade, tu es jeune, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu es toujours jeune. Profite, tu as une santé, tu peux aller à la mosquée, tu peux aller par exemple au hajj. Ne dis pas quand j'aurai 75 ans, je vais aller au hajj. Vas-y, mais tu es jeune, après tu ne pourras pas, c'est difficile. Et tu tomberas malade, tu seras vieux. Donc il a dit, profite quand tu as la santé, de faire les choses que Allah Azzawajal aime, pour que demain, quand tu seras fatigué, etc., et tu seras malade, tu ne diras pas pourquoi, yani, je suis malade, mais je n'ai rien fait, comment vais-je faire? Alhamdulillah, Allah Azzawajal t'a donné je ne sais pas combien de temps, et tu n'as rien fait. Donc il fallait faire quand tu étais jeune et quand tu étais en bonne santé. La même chose, il a dit, et profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Pourquoi? Parce que quand on est vieux, comme j'ai dit, ça devient difficile. Je vous donne un exemple très simple. La hala wa la quwwata illa billah. Moi maintenant, tout le monde sait que j'ai à peu près 54 ans. 54. Quand j'ai à peu près 28, 30, jusqu'à 35, ça m'était très facile de me lever vite et d'aller par exemple à la bibliothèque et faire sortir un livre pour vérifier. Je suis en train de lire quelque chose. Il dit par exemple, dans ce livre, il dit Rawa Abu Daoud, hadith raconté par Abu Daoud. Abu Daoud, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est Hadith Daif. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller à la bibliothèque qui est en face de moi, me lever, ouvrir le livre et voir ce qu'a dit Cheikh Al-Albani dans ce livre. Parce que lui, il a Sahih Abu Daoud. C'était très facile. Maintenant, c'est un peu difficile. Je me dis, là, ça, frère, là, c'est loin. D'aller jusqu'à la bibliothèque, là, c'est loin. Ça, c'est un exemple simple. Ça, c'est à 50 ans. Imagine, maintenant, à 60, après à 70, ce sera très difficile pour toi, même pour te lever, aller vérifier une chose, ou ouvrir le livre, ouvrir le coran, etc. Donc, quelqu'un profite quand il est jeune. C'est pourquoi? Pas le blême. Demandez la science. Demande maintenant quand tu peux. Demain, c'est difficile. Demain, tu es fatigué. Demain, tu as des maux de tête. Vous savez comme disent les gens. Après 40 ans, dès que tu dépasses la quarantaine, peut-être 42, 43, tu as trois amis qui deviennent des amis intimes. Puis, tu as le dentiste. Tu dois aller toutes les fois pour tes dents. Ah, elles commencent, elles veulent tomber, elles veulent cadavre. À partir de 43 ans. Tu as le ventre. Tu vas chez le médecin du ventre. Donc toujours maintenant, tu manges quelque chose et tu fais mal. Autrefois, à 20 ans, tu mangeais des cailloux. Maintenant, tu manges une chose qui est un peu, kadima, la chose d'hier, elle commence à faire mal. C'est devenu très délicat. Et le troisième ami intime, c'est qui? C'est le, j'ai oublié comment il s'appelle, avec les lunettes. Tu commences à ne pas voir bien. Tu commences à, il faut que je mette des lunettes pour lire. Tu commences à, voilà, il est devenu Hada, celui qui vend les lunettes Hada. Il est devenu ton ami intime. Donc, l'islam, on profite tant qu'on est encore jeune. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'opticien. Non, l'opticien. Et aussi le médecin des yeux. L'opticien et le médecin, je crois que c'est l'ophtalmologue. Voilà, celui des yeux et l'opticien deviennent tes amis intimes. L'ophtalmologue et l'opticien. Non. Donc, c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Amar ummati ma bin 60 wa 70. Wa aqalluhum man yujawiz dhalik. Je vous l'ai dit une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma nation vivra entre 60 et 70 ans, c'est tout. Il a dit, rares sont ceux qui dépassent. Toi, toujours dis-toi, peut-être tu ne vas pas dépasser. Tu ne vas pas dépasser 70. Parce qu'il a dit, rares sont ceux qui dépassent. Pourquoi toi, tu te mets dans les rares? Mets-toi dans les gens normaux. Les gens normaux, ne te mets pas dans l'exception. L'exception, c'est toujours quelque chose, c'est une exception, on l'appelait déjà une exception, ce n'est pas la règle. La règle, c'est 60, 70 ans. Nous, on marche avec les règles, on ne marche pas avec les exceptions. Ensuite, il a dit, wa rinaka qabla faqrik. Et profite, le prophète, alayhi salam, la cinquième a dit, et profite du fait que tu as de l'argent maintenant, avant que tu ne sois pauvre. Quand tu as de l'argent, tu peux faire des choses que Allah Azzawajal aime. Quand tu seras pauvre, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas faire des choses qu'on peut faire avec l'argent. Tu ne pourras pas faire des choses qu'on peut faire avec de l'argent. C'est pour ça que sont très malheureux ceux qui ont ces cinq choses-là et qui les font passer, qui ne profitent pas de ces cinq choses. Ou bien ils vont profiter de ça, mais dans les choses que Allah Azzawajal n'aime pas. Il est jeune, il est fort, mais il passe son temps où Allah Azzawajal ne veut pas. Au lieu de les passer dans les endroits où Allah Azzawajal veut, là, il les passe, ou bien avec sa santé et sa force, il fait des choses que Allah Azzawajal n'aime pas. Il a de l'argent, mais il l'utilise dans les choses que Allah Azzawajal n'aime pas. Il l'utilise dans le vin, dans ces choses-là. Ceux-là, bien sûr, ce sont des malheureux. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, il a dit, iftaraqat al-yahoud ala 41 firqa. Il a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes. Subhanallah al-Azim. Qui a appris ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est allé chez les juifs, il a commencé, il leur a dit combien de sectes vous serez les a comptés, si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, iftaraqat al-yahoud. Les juifs se sont divisés en 71 sectes. فواحدة في الجنة وسبعون في النار. Une seule ira au paradis et 70 iront en enfer. Bien sûr, pas les juifs de maintenant, parler des juifs en son époque. Non, les juifs en son époque. واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. J'avais dit les cinq choses. J'avais dit quoi? حياتك قبل موتك, ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton vide. Ton vide, qabla shaghlik, peut-être celui-là, je ne l'ai pas dit, peut-être, farahak qabla shaghlik, le temps que tu es libre, profite avant que tu sois occupé, wa shababak, ta jeunesse avant ta vieillesse, et ta richesse avant ta pauvreté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en combien? En 71 sectes. Une secte ira au paradis et 70 en enfer. Il parle des juifs en son époque, pas maintenant. On va dire en son époque, en l'époque de Moussa alayhi salam, il y a des juifs qui l'ont vraiment suivi, cela iront au paradis. Et il y a d'autres 77 qui iront en enfer. Uftaraqat al-Nasara et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Les juifs 71 sectes, les chrétiens 72 sectes. Ihdar sab'un fi an-nar wa wahida fi al-jannah. 71 sectes d'elle iront en enfer. Une seule secte ira au paradis. Ensuite il a juré, il a dit, Walladi nafsu Muhammadin biyadi. Je jure par celui qui tient mon âme, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. La tiftaraqanna ummati, que ma nation se divisera à la salati wa sab'in firqa, que ma nation se divisera en 73 sectes. Fawahidatun fil jannah. Une secte au paradis, 72 en enfer. 72 en enfer. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle bien sûr de la nation, nous sommes sa nation. Donc sa nation est divisée et se divisera, doit se diviser en 73 sectes. Une secte ira au paradis, 72 iront en enfer. Donc 72 qui iront en enfer, et quand même on les appelle qui sont de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains des 72 qui iront en enfer, certaines ne sortiront plus de l'enfer parce que ce sont des kuffars, et d'autres sortiront après quoi? Après le azab, après le supplice, après le châtiment, d'après l'égarement où il était, d'après les péchés qu'ils ont commis. Donc d'après ces sectes, les 72 ados, il y a ce qu'on appelle Jahmiya, il y a ce qu'on appelle Khawarij, il y a ce qu'on appelle Tfiriyin, il y a ce qu'on appelle Mu'tazila, il y a ce qu'on appelle Al-Qadariya, il y a ce qu'on appelle Al-Kulu, ce sont des sectes. Toi, donc le hadith t'a dit qu'il y a une seule qui ira au paradis, une seule secte. Donc, ça ne suffit pas de dire « Ana muslim, ana muslim ». Alhamdulillah, t'es muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah, tu es musulman, tu es croyant, tu n'es pas un kafir. Mais pardon, dans quelle secte es-tu? Ah, ça c'est très important. Les gens qui disent, on dit « ça me suffit », je dis « je suis croyant, ça me suffit ». Mais le prophète a dit « il y a 73 sectes de croyants ». Quel croyant es-tu? Le croyant des Tekfiriyins? Le croyant des Khawarij? Le croyant des Shia? Ou là tu es un croyant de Turuqiyya? Tu es quel croyant? Ou là tu es un croyant de Salaf Salah? Si tu es un croyant comme étaient les Sahaba, sah, tu es un croyant, tu es le vrai. Car les Sahaba ici ont profité, ils ont dit, Ya Rasulullah, yani montre-nous, yani quelle est la secte? Tu as dit, il y a une seule qui va aller au paradis, montre-la-moi. Il a dit, ceux qui seront comme je suis moi aujourd'hui. Min kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Donc, il a dit dans un autre hadith, il a dit al-jama'a, comme disent maintenant les ulama, sunna ou jama'a. Il a dit sawad al-a'zam. Sawad al-a'zam, c'est sahaba radiyallahu ta'ala anhum, et ceux qui les ont suivis bi ihsan. Donc toi, ça ne suffit pas d'être croyant comme j'ai dit, mais il faut que tu sois un croyant sur le chemin des pieux prédécesseurs, al-salaf radiyallahu ta'ala anhum. toi, quand tu dis je suis un croyant, ensuite tu veux expliquer le Coran comme tu veux toi, tu n'es pas un salafi, tu n'as pas suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, quand je te dis, quand tu me dis, on ouvre le Coran, tu me dis, je te dis, lis, qu'est-ce qui c'est écrit ici. C'est écrit ici, « Wa man lam yakum bimanzallah fawlakum al-kafirun » L'Aziz a dit, quiconque ne va pas juger avec l'islam, c'est un kafir. Tu le lis avec moi, il lit. Non. Qu'est-ce qui va expliquer le verset? Toi, moi, ou là on va retourner au self. S'il dit, moi je l'explique, je lui dis, khalas, tu n'es plus toi, tu es dans les 72 sectes. Tu expliques les choses de ta tête. Tu ne reviens pas au ulama, au self. S'il dit, mais c'est visible, ça se voit, l'Aziz a dit, man lam yakum bimanzallah, c'est un kafir. C'est visible. Je lui dis, j'ai peur que tu sois toi aussi un kafir. Parce que toi aussi, tu n'as pas jugé avec le jugement d'Allah. Le jugement d'Allah, Allah t'a dit de revenir au ulama ou au salaf. Pourquoi tu n'es pas revenu? Pourquoi tu n'es pas revenu au salaf? Pourquoi tu expliques ta tête? Ensuite, je lui dirai, pardonne-moi, j'ai une chose à te dire. Et toi, tu es plus savant que Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, que le prophète Allah a enlacé. عانقه ودع الله له اللهم علمه التفسير اللهم فقهه في الدين اللهم علمه التأويل علمه التأويل apprends lui à expliquer le Coran. On vient à Abdullah ibn Abbas, il explique, il dit non, ce n'est pas le kufr الذي تذهبون إليه kufr دون kufr, c'est pas comme vous avez compris vous. On, et qu'est-ce qu'on dit? Non, je prends pas du tafsir d'Abdullah ibn Abbas. Tu prends le tafsir de qui? Je prends le tafsir de Ben Laden. Je prends le tafsir comme l'a expliqué Ben Laden. Je ne prends pas Abdullah ibn Abbas. Ensuite, il vient, il ouvre la bouche, il dit, je suis salafi. Où tu es salafi? Tu es salafi toi? Où as-tu connu la salafia? Tu ne prends pas ce que dit Abdullah ibn Abbas si tu es salafi? Revenez à un livre qui s'appelle Itab al-Haq al-Khalq. Un livre qu'a écrit Ibn al-Wazir. À l'intérieur, il met une règle. Il dit, si Abdullah ibn Abbas, qui était un sahabi, s'il y a un autre sahabi qui le contredit en ce qui concerne le Coran, spécialement le Coran, on ne prend pas de l'autre sahabi, on prend de Abdullah ibn Abbas. Pourquoi Abdullah ibn Abbas? Parce que le prophète, alayhi sallam, l'a enlacé. Il lui a dit, Allahumma allimhu ta'wil. Allahumma faqihu allimhu ta'wil, spécialement le Coran. Un autre sahabi, s'il vient dire une chose, on lui dit, non, on ne prend pas, tu as contrarié Abdullah ibn Abbas. Que le prophète a enlacé, alayhi sallam, il lui a fait ce doigt. Maintenant, si un sahabi un autre, s'il le contredit, c'est comme ça qu'a dit Ibn al-Wazir, on prend ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Maintenant, Allah, on laisse Abdullah ibn Abbas, et on prend ce qu'a dit Ben Laden, et sa jama'a, et sa compagnie. Je dis la houla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous devez le savoir, pour être de la vraie secte, la secte, ça s'appelle Firqa Najiyya, la secte qui, si tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, tu vas quoi? Tu vas, bi'idhnillah ta'ala, ne pas rentrer en enfer. Pourquoi? Parce que le Firqa Najiyya, ici, tu ne vas pas faire des bid'ah, et demain, tu ne vas pas, inshallah ta'ala, rentrer en enfer. Ça s'appelle Firqa Najiyya. Est-ce que, j'ai une question très simple. Est-ce que des gens qui ont passé leur vie à cause de cet islam, ils se sont sacrifiés à cause de cet islam, est-ce que des gens qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient avec lui du matin au soir, jours et nuits, du matin au soir, des années et des années, on laisse, comment ils ont compris l'islam, et on va suivre d'autres, maintenant contemporains, ils vont nous comprendre comment suivre l'islam. Est-ce que c'est logique ça? Est-ce que c'est logique que je laisse, par exemple, quelqu'un comme Abdullah ibn Abbas, et que je suive, par exemple, quelqu'un comme Youssef al-Qaradawi, je ne sais pas qui va me faire des fatwas comment je laisse quelqu'un comme ces grands-là, des montagnes, qui vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais suivre quelqu'un comme Al-Ghazali qui va me dire que il n'y a pas le supplice de la tombe. Il a dit, non, le hadith du supplice de la tombe, il est ahad, il n'est pas mutawatir. Je ne prends pas avec hadith ahad. Il n'y a pas le supplice de la tombe, il n'y a pas le milan, il n'y a pas mille choses, il n'y a pas le haud, il n'y a pas qu'un. Je laisse voir les grands sahaba et je vais à quelqu'un qui va me faire expliquer l'islam d'après qu'il a compris lui. D'après Mohamed Abdo, il a cliqué. Donc si tu veux que demain tu rencontres Allah Azza wa Jal, yani, tu n'as aucun problème, suis Salaf Salah. Suis qui? Suis Sahaba radiallahu ta'ala anhum, ou tab'un ou men tab'an bi ihsan. Car si tu suis cela, demain tu auras une cause devant Allah. Même si la raison te dira par exemple, pourquoi toi, moi j'ai dit au même yahkum bi man Allah, faulikum kafirun, tu as dit non, il y a kufr et kufr. Pourquoi tu as fait la différence? Tu lui dis, moi j'ai lu, Abdullah ibn Abbas a dit ça dans un hadith authentifié par Sheikh Albani. Sheikh Albani a dit hadith sahih. Et Abdullah ibn Abbas est l'un des grands savants des compagnons. Ensuite j'ai lu que le prophète lui a fait un dua, je me suis dit, Abdullah ibn Abbas a raison. Est-ce que l'Azawi va te dire quelque chose? Mais si tu vas dire non, il n'y a pas de coffre, il ne se divise pas. Certains, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils te disent le coffre ici, c'est seulement, il parle du hakem. Tu lui dis pourquoi toi, tu ne juges pas avec Manzal Allah en ta propre personne, en ta famille. Ta femme n'a pas de hijab, n'a pas de jidbab. Pourquoi tu ne juges pas avec ce que l'Azul a fait descendre? Il te dit non, ça c'est seulement pour le gouverneur. C'est pas descendu pour les gens, c'est descendu pour les gouverneurs. On lui dit menteur, grand menteur. Premièrement, l'Azul a dit même. من ومن استغفر الله وتعالى من سير من سير العموم كون الله عز وجل دي ولا لو بروفيت ولا اون عرب اون دي من سا فو دير توس كي كونك من لم يحكم كي كونك ne juge pas avec le Coran, c'est un kafir. Qui compte? C'est pas seulement le gouverneur. Même moi, quand je veux pas juger en ma personne, en ma famille, je deviens un kafir aussi. Qui compte? Ça c'est la première. La deuxième, les gens lui dit, ne sais-tu pas que dans Bukhari, que il y avait un compagnon, et Zubair ibn al-Awwam, ils se sont, yani, disputés. Ils sont disputés à cause de l'eau. Abdullah ibn al-Awwam ibn Zubair, radiallahu anhu, disait, moi je prends le premier lot, ensuite toi tu te sers. L'autre a dit, non, moi le premier, ensuite moi je te donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est passé par là, il les a trouvés en train de se disputer, a dit, attendez, je vais vous dire à qui. Ensuite, il a dit, toi, Ibn Zubair, tu commences toi le premier, ensuite tu donnes à celui-là. Qu'est-ce qu'a dit le deuxième? Il a dit, un kan ibn ammatik. Ah, tu as dit ça parce que Ibn Zubair, c'est le fils de ta ammatik, yani le fils de ta ammatik, cousine ou là, je ne sais pas. Yani, il est ta famille. La hawla wa la quwwata illa billah. Kafir Allah Azza wa Jal, il a fait descendre le verset. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. فلا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم مسلما قادر الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. Donc voilà une preuve que toute personne لازم تحكم بالقرآن وتحكم بالحديث. C'est pas seulement le gouverneur. Toi aussi, toi qui as dit au prophète إن كان ابن عمك, toi tu devais aussi تحكم بما أنزل الله. ليس فقط الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. المهم الله أن يعلمنا ديننا. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. La meilleure des choses, des actions, que Allah subhanahu wa ta'ala, que tu fasses la prière en son premier temps. Vous savez, chaque prière, il y a un hadith sahih qui est authentifié par l'Albani, où le prophète عليه السلام a dit, إن لصلاة أول وآخر. Il a dit, chaque salat a un début et une fin. Ensuite, il a cité toutes les salats avec leur début et leur fin. Donc chaque salat a un début, chaque salat a une fin. Plus tu fais la salat vers le début, plus c'est mieux. Sauf si c'est quoi? Si c'est pour la Aïcha, tu la laisses un peu à cause de quoi? À cause, par exemple, si tu veux que les gens se regroupent beaucoup. Ou bien le Dhuhr, si c'est très chaud, tu la laisses un peu s'approcher de Asr. Pourquoi? Parce que c'est très chaud. Parce que c'est très chaud autrefois. Sinon, que tu fasses la prière en son première heure, en sa première heure, c'est ça ce que Allah Azza wa Jal aime. On ne reste pas traîner, on traîne, ensuite on termine le football, ensuite on termine le match, ensuite on termine le film, ensuite je ne sais pas qu'est-ce qu'on termine, ensuite on va faire la prière. Et en ikhlas, on n'a plus rien à faire, il reste la prière, viens on va la faire, alhamdoulilah. C'est pas comme ça. Si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu veux Allah subhanahu wa ta'ala, wa wujha al-karim. Tu fais la prière en son premier temps, ça Allah Azza wa Jal, on sera très réjoui. Premièrement. Donc tous les hommes qui font la prière dans la mosquée, alhamdoulilah, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils vont la faire en sa première heure. Et l'homme, l'homme par la femme, il est obligé de faire la prière à la mosquée, ça vous le savez, sauf s'il a une cause valable. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est quoi, et c'est malheureux, c'est que Allah Azza wa Jalla ne t'a pas dit seulement de faire la prière, mais il t'a dit de la faire à l'heure. Allah Azza wa Jalla l'a dit, wa aqimus salat, beaucoup d'ayats. Il t'a pas dit fais la prière, il t'a dit fais à l'heure, avec ses chourouts, avec son khushu, avec ses sunan. Fais-la à l'heure. Car, comme la prière n'est pas acceptée après l'heure, n'est pas acceptée avant l'heure, n'est pas acceptée après l'heure. Est-ce que maintenant moi chez moi il est minuit moins un quart. Ici au Kuwait il est minuit moins un quart. Est-ce que je peux faire maintenant la prière du matin? C'est impossible, l'heure n'est pas rentrée. Comme l'heure n'est pas rentrée, comme je ne peux pas la faire, je ne peux pas la faire exactement aussi quand l'heure sera sortie. Parce que ce sont, la prière elle a un début et une fin. Tu ne peux pas la faire avant le début, tu ne peux pas la faire après la fin. Ça s'appelle ibadah mu'aqqata, ça s'appelle l'wajib mu'aqqat. Le wajib, il y a plusieurs sortes. Hein. On a parlé du wajib et du fard, etc. On a dit la même chose. Il y a le wajib mu'aqqat, le wajib mutlaq, le wajib muqayyid, le wajib mubham. Il y a beaucoup de wajibat. Celle la salat, c'est un wajib mu'aqqat. Elle a une heure, elle a un moment. Si tu ne la fais pas au moment, ce n'est pas la fin. C'est pour ça que Ibn Hazm, Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, il te dit, si tu laisses passer une prière, une seule, par exemple le dhar, tu ne la fais pas jusqu'à que son heure sorte, il se dit c'est pas la peine de la faire. C'est pas la peine. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé sans cause. Tu peux la refaire si tu l'avais laissé avec cause. Tu étais malade, tu t'es endormi, tu as oublié. Tout ça c'est des causes. Et toi tu restes là, en train de voir la télé, tu laisses jusqu'à ce que l'heure sorte, son moment sort. Ensuite tu veux la faire. Là, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, je conseille, fais le repentir et c'est pas la peine de faire la prière. Fais le repentir, ça refait Allah ou somme ou tassadak bimalik ou fais ce que tu veux, mais c'est pas la peine de faire la prière pour qu'on n'ait pas en son heure. Imaginez le ramadan, c'est dans un mois et demi, inchallah. Je peux faire maintenant moi le ramadan? Pourquoi je peux pas? Il n'est pas en son moment. Et quand le ramadan se termine, je le fais pas moi le ramadan, quand il se termine, je vais faire un mois. Là, je vais accepter, impossible. Il me dit, il y a un moment tu dois faire ceci. La même chose, la salat. C'est pour ça que l'Azhar a dit, dans le Coran, il a dit, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل لمن ويل سي ان غران عذاب في جهنم certains dit c'est un lax, c'est un word, c'est un châtiment في جهنم à qui? للمصلين, à ceux qui font la prière, pas à ceux qui la font pas. Ceux qui la font pas, c'est pas la peine de parler d'eux. On parle de ceux qui font la prière, ils ont un grand supplice qui les attend. Pourquoi? الذين هم عن صلاتهم ساهون. Abdullah ibn Abbas a dit, ils font le zahr avec le as, ils font le maghrib avec l'aïcha, ils font pas la prière à l'heure. Donc dans son Coran, il a dit, ceux qui font pas la prière à l'heure, il y a un châtiment qui les attend. Alors qu'en est-il de ceux qui ne la font pas du tout? Et sachez que quiconque laisse une prière sortir de son heure, ce moment, sauf comme j'ai dit, s'il avait des causes, sauf s'il avait des causes, quiconque la laisse sans cause, il la laisse à cause d'une shahwa, à cause d'une tentation et à cause d'une passion. Il y a toujours une passion qui court après elle. C'est l'argent, c'est les femmes, c'est la télévision, c'est le match, c'est le football, il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Quel est le délit? Le délit, c'est que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَبَعُوا الصَّلَاةُ وَتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Allah Azza wa Jalla dit, ensuite il y a un autre groupe qui est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? أَبَعُوا الصَّلَاةُ. Ils ont fait perdre la salat. L'ont fait sortir de l'heure. Et ensuite, il a dit au teba ou shahawat. Et ils ont suivi les tentations et les passions. Façon de kaunaria. Il y a un adab qui les attend. Un châtiment qui les attend. Cela aussi. Pourquoi? Parce qu'ils laissent passer la salat. À cause de quoi? Le Coran a montré. Il a dit au teba ou shahawat. Et ils ont suivi les passions. C'est pour ça que j'ai dit quiconque laisse passer une salat, c'est à cause des passions et des tentations. Ou bien c'est l'argent, ou bien c'est, comme j'ai dit, il y a des milliers de choses, ce sont toutes des tentations et des passions. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, numéro 1099, Afdalul jihadi an yujahida rajulu nafsahu wa hawa. Afdalul jihadi an yujahida rajulu nafsahu wa hawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des jihads. Il y a beaucoup de jihad, ça. Le meilleur des jihad, c'est quoi? Que tu fasses le djihad à ton âme et à tes passions et tes tentations. Beaucoup de gens أم لجهاد أم لجهاد أم آلوا جهاد نعم mais ils font pas le jihad de leur âme. Ils le font pas. Ça veut dire, mais ils suivent les tentations, ils suivent les passions, et ils veulent parler du grand jihad. C'est pour ça que Ibn Qayyim al-Rahmatullah a dit, il a dit un peu dans ce sens, il a dit ajaban, c'est étonnant. Il a dit, toi, le shaitan il est là entre tes flancs, en train de te faire des problèmes, ça, tu n'as pas pu lui faire le jihad, et tu n'as pas pu faire le jihad à ton âme, et tu veux aller faire le jihad ailleurs. Tu n'as pas fait le jihad à toi-même, ton shaitan, ton shaitan, c'est lui qui te dirige, tes passions, c'est donc tel qui te dirige, tu n'as pas pu, jusqu'à aujourd'hui, t'éloigner de la cigarette. Tu n'as pas pu. Tu sais que c'est haram, tu ne peux pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas baisser les yeux quand tu vois le haram. Jusqu'à nos jours, tu restes en face de la télévision, tu vois les femmes comme ça dans des choses, c'est pas la peine de les dire aussi. Tu n'as pas fait le djihad à ton shaitan et tu veux faire le grand djihad. Comment Allah Azza wa Jalla va-t-il accepter de toi? C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Le prophète alayhi sallam a expliqué ça, ce verset. Il a dit جَاهَدُوا فِينَا dans le Coran ici, il a dit جَاهَدُوا أَنفُسَهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ. Ils ont fait le djihad à leur âme, en la cause d'Allah. À leur âme, en la cause d'Allah. Donc beaucoup de gens croient que le djihad, c'est seulement tu prends un revolver et tu vas partir je ne sais pas où. Tu vas partir en Palestine ou là, à l'Irak. C'est seulement ça le djihad. Maintenant, il est plein de tentations. Il ne fait pas le djihad à ses tentations et à son âme. Il cherche seulement votre djihad. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit Ishfa'u tu'jaru. Il a dit Ishfa'u tu'jaru. Qu'est-ce que ça veut dire Ishfa'u tu'jaru? Il a dit, quand par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un qui a un peu de difficulté, par exemple, disons à cause, il a des difficultés dans le travail par exemple, à cause du responsable, ça n'a pas marché avec lui, ça. Ensuite il est venu me voir, ce quelqu'un, il me dit voilà j'ai des problèmes avec le responsable, soit tu le connais, essaie de lui parler de moi, etc. peut-être Inch'Allah ça va marcher. Ensuite moi, je vais parler au responsable, je vais lui dire excuse celui-là ou bien donne-lui cette chose, ça. Ça veut dire j'ai fait l'intercession. Le prophète Hassan a dit faites l'intercession, vous aurez des récompenses. Faites l'intercession, ça veut dire entre une personne et une autre. Toi, tu rentres au milieu pour essayer, Inch'Allah Ta'ala, d'enlever les problèmes et pour essayer de faire arriver le droit à la deuxième personne, etc. Ça s'appelle Shafa. Il y en a plusieurs sortes, bien sûr. Ici, il essaie de nous dire d'être un intermédiaire entre nous et entre les gens, bien sûr, dans le bien. Seulement dans le bien. Pas dans le mal. Il a dit faites, soyez les intermédiaires, vous aurez Inch'Allah Ta'ala le ajr, vous aurez beaucoup de récompenses. Là je voudrais vous dire que certains ou là beaucoup de gens, alhamdoulilah, ils font de l'intermédiaire. Des fois ils le font en la cause d'Allah aussi, en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne savent pas une chose très très importante. C'est quoi la chose la très très importante qu'ils ne savent pas? Ils l'ignorent bien sûr, ils ne font pas exprès, ils l'ignorent. C'est quoi? C'est qu'il est interdit, si tu rentres en intermédiaire entre deux, il est interdit que le deuxième hada auquel tu as fait l'intercession, il est interdit s'il va, tellement il est par exemple content, etc., s'il va t'acheter par exemple un cadeau, là que tu le prennes. Hada, beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que le deuxième, quand tu règles ton problème, il est content, il n'est pas content, il est content. Il vient miskin avec une bonne intention. Il va t'acheter un cadeau, là, il va t'acheter une montre, là, il va t'acheter une bague, là, je ne sais pas quoi. Il te ramène le soir, il te dit, si on prend ça, c'est un cadeau, baraklou, ne la rend pas, etc. Alors celui qui la prend, il ne sait pas qu'il a fait un grand péché. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani a authentifié un hadith dans Sahih Targhib. Où il est dit, عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man shafa'a shafa'atan li ahad, si quelqu'un fait l'intercession pour un autre, et l'intermédiaire pour un autre, fa ahda lahu hadiya, et ensuite il lui fait un cadeau, l'autre yani fait un cadeau hadiya, fa qabilaha, ensuite yani il la prend au lieu de la rendre, il la prend, qu'est-ce qui se passe? Il a dit: فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. Alors, il a ouvert une des grandes portes de la riba. Connaissez ce que c'est la riba? La riba. Il a dit: tu as ouvert une grande porte de riba. Et la riba, c'est les intérêts. Ça s'appelle les intérêts, la riba. Je donne à quelqu'un là, ou là, ça s'appelle l'usure. La riba. La riba, c'est quand tu donnes quelqu'un, par exemple, tu lui donnes 100 euros. Ensuite, quand il te rend 150. Ça, tu as fait la riba. Ça fait là où tu veux. Et le prophète, vous savez qu'il a dit dans beaucoup de hadiths, il a dit que la riba, il a dit un dinar ou bien un dirham de riba, c'est comme quelqu'un qui faisait 36, c'est l'usure. Il a dit, c'est comme si quelqu'un faisait 36 zina avec sa mère, ou l'ayadoubillah. Oh, pardon, 36 zina. Celui de la mère, c'est un hadith. Il a dit qu'un seul dinar de riba, de l'usure, c'est comme quelqu'un qui fait 36 fois la zina, 36 fornications, ou quelqu'un qui a seulement un dinar de riba. La hawla wa la quwwata illa billah l'ali l'adim. Donc, la zawjil aime, quand tu fais quelque chose entre deux personnes, tu l'as fait pour son visage, et pas pour qu'on te donne des choses. Maintenant, si on te les donne, tu les prends pas. Si on te les donne, tu les prends pas. C'est pour ça que j'ai entendu Mara Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullah. Il a dit une fois, j'ai fait l'intercession à quelqu'un, parce que Cheikh Al-Bayda al-Rahmatullah, bien sûr, est très très connu. Il est très très connu quand il rentre chez quelqu'un, ou là, bien sûr, il ne va pas le rendre. Alors, quelqu'un, il est rentré pour quelqu'un qui avait exactement, il a dit, je lui ai fait l'intercession. Il a dit, quand on a terminé, il a dit, il est allé acheter des gâteaux et il m'a invité pour manger. Yani, par exemple, il va acheter un peu de limonade, etc. Il a dit, je n'ai pas mangé. Je lui ai dit, non, ça c'est haram. En fait, pourquoi l'autre, il a acheté la limonade ou la légate? Pourquoi? À cause de cette chose. À cause de l'intercession. C'est comme, maintenant, quand je vais acheter de la limonade et des gâteaux, tu vas manger. Quelle est la différence entre, au lieu de te donner d'acheter la limonade et les gâteaux, je te donne de l'argent. C'est la même chose. Ça, c'est de l'argent qui s'est transformé en limonade et gâteaux. Si tu manges, c'est comme si tu avais pris de l'argent. Donc, Cheikh Al-Albani Ahmadullah a dit, non. Jazakallahu khair, il y a un hadith qui dit il ne faut pas manger cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'intercession. C'est pour ça qu'il a dit faites l'intercession. Lui-même, il a fait l'intercession. Lorsqu'il a fait l'intercession, par exemple, il y a un hadith sahih du Bukhari. Il y a un hadith sahih du Bukhari où il y avait une esclave qui s'appelait Barira. Il y avait une esclave, elle s'appelait Barira radiallahu ta'ala anha. Elle avait son mari qui s'appelait Maurice. Maurice, c'était son mari, ses deux esclaves. Ensuite, Aïcha radiallahu ta'ala anha a acheté l'esclave. Donc, quand on achète l'esclave, elle l'a acheté et elle l'a libéré. Donc, l'esclave en islam, quand elle est libérée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est libre, elle n'est plus esclave. Khlas, elle est libre comme nous. Et maintenant qu'elle est libre, elle a quoi? Elle a un mari qui est esclave. Si elle veut, ben c'est avec lui elle veut. C'est faisable. Mais maintenant, quand elle s'est sentie libre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi je ne veux plus de Maurice. Je ne veux plus de là, mon mari. Alors son mari, yani, tellement il l'aimait, que yani, il en avait le cœur déchiré. Il en avait le cœur déchiré. Yani, c'était très difficile pour lui. C'était très dur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, yani, fais-moi l'intercession. Parle avec Barira. Peut-être, inshallah ta'ala, elle va accepter, c'est sûr. Elle ne va pas te rendre quand même ta parole. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé avec Barira. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, le hadith il est dans le Bukhari. Il lui a dit, Ya Barira, taqillah. Ya Barira, crains Allah. Fa inna zawjuk. C'est ton mari, ou Abu Waladik, et le fils de tes enfants, ou lève ton enfant. Qu'a dit Barira radiallahu ta'ala anha? Qu'a-t-elle répondu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الوادي يا رسول الله أتأمرني بذلك يا رسول الله je voudrais savoir tu me donnes un ordre ou là c'est seulement comme on dit une nasiha hadi tu m'as donné un ordre tu m'as dit reviens ou là yani je te conseille de revenir vers ton mari le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit il a dit la innama ana shafi' non je t'ai pas donné un ordre je suis venu comme intermédiaire je veux faire l'intercession entre ton mari et toi voilà c'est pas un ordre qu'est-ce qu'elle a dit alors قالت إذن فلا حاجة لي فيه donc je n'en ai pas je n'ai pas besoin de lui je n'ai pas yani, envie de lui c'est tout je n'ai pas besoin je n'ai aucune envie je sens rien dans mon cœur envers lui yani, je ne le veux pas carrément puisque tu m'as pas donné alhamdoulilah donc je préfère ne pas être avec lui إذن ensuite que dit le hadith il dit فكانت تمشي في سفك المدينة ensuite quand elle n'est pas revenue vers lui elle marchait comme ça dans les rues de la ville pour aller acheter ou là pour aller à la mosquée ou là il fallait qu'elle marchait dans les rues le hadith a dit elle marchait dans les rues de la ville wa huwa et mourit son mari wara'aha derrière elle bien sûr sans qu'elle le voie 5 mètres ou 10 mètres ou 20 mètres loin wa dumu'u tasil ala khaddihi et ses larmes en train de couler sur quoi sur ses joues pourquoi tellement il l'a aimé puisque c'était sa femme et puis ce n'est pas facile quand on aime quelqu'un comme ça bien, et brusquement on s'arrête après 20 ans ou là, 30 ans de mariage ou là et on aime quelqu'un ça s'arrête si on ne met pas à la rigueur alhamdoulilah je m'en suis débarrassé mais aimer quelqu'un ensuite quelque chose qui vient comme ça brusquement c'est très difficile c'est difficile alors il marchait derrière elle et qu'est-ce qu'il faisait il essuyait ses larmes avec ses mains ou là, avec un mouchoir donc tout ce qu'il pouvait faire c'est au moins la voir yani être derrière elle et se rappeler les beaux jours ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu cela qu'est-ce qu'il a dit il a dit à son oncle l'Abbas radiyallahu ta'ala anhu qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit ala ta'jab min hubb mughith barira tu n'es pas étonné de l'amour de mughith à sa femme envers sa femme Barira, il lui a dit, ça t'étonne pas. Yani, le grand amour, ça t'étonne pas. Comment, à tel point, Mourif aime sa femme Barira, wa bourdeha iyah, et elle, à quel point le déteste. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est étonné. Il a dit, même à son oncle, c'est pas étonnant que quelqu'un yani, aime une femme, sa femme, à ce point, et qu'elle, elle le déteste à ce point. C'est pour ça qu'en islam, quand deux personnes s'aiment, il faudrait qu'ils se marient. Quelqu'un va me dire comment ils se sentaient sans se connaître ou là. Non, c'est possible. C'est possible qu'il l'aime comme ça, sans qu'elle sache elle. Elle l'aime lui sans qu'il sait. C'est pas la peine qu'il sache ou là. Donc la meilleure des choses quand deux personnes s'aiment, c'est quoi? C'est le mariage. Qui a dit ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça dans un hadith sahahahu. Cheikh Al-Albani fi Silsila Sahiha numéro 624. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce que dit ce hadith. Il a dit Abdullah ibn Abbas, il a dit ja'a rajulun. Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qal inna 'indana yatima. Nous avons dans la famille une orpheline. Wa qad khatabaha rajulun mu'dam wa rajulun musir. Et deux hommes lui ont demandé sa main. Quelqu'un qui a de l'argent, masha'Allah, et quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui a de l'argent, masha'Allah, il peut se permettre des choses, il peut se permettre la voiture, et quelqu'un qui n'a rien. Peut-être qu'il mange le pain et les olives. Quelqu'un qui n'a rien. Ensuite, voilà ce que dit le hadith. Suivez bien. Alors, cet homme m'a dit, bien sûr, quand je dis les deux lui ont demandé la main, c'est interdit en islam que deux demandent la main en même temps. Ça veut dire que les deux ne savaient pas. Personne des deux ne savait que l'autre avait demandé. C'est pour ça que qu'ils ont demandé. Ensuite, cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux hommes lui ont demandé la main. L'un, masha'Allah, il a de l'argent, etc. L'autre, il n'a rien. Il a dit, wa nahnu, afwan, wa hiya, tahwa al-mu'adam. Et elle veut celui qui n'a rien. Et nous, wa nahnu, nahwa al-mus. Et nous voulons celui qui a de l'argent. Subhanallah al-adim. Comment qu'on va faire? Elle veut celui qui n'a rien. Et nous voulons celui qui a. On aimerait avoir un gendre qui est riche. Chouïa, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ici qu'il a dit ça. Il n'y a pas de pareil pour ceux qui s'aiment comme le mariage. Il n'y a pas de meilleur pour deux personnes qui s'aiment comme le mariage. Maintenant, l'autre, il l'a voulu. Elle l'a voulu, laisse-les se marier. Toi, tu vas la marier avec le riche et elle aime le pauvre. C'est pas une vie. Elle a cause son argent. Elle veut autre chose, elle veut pas seulement l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Elle peut rester un mois, ensuite elle en a marre. Laisse-la se marier avec celle qu'elle a voulu. Ensuite, s'il y a quelque chose, tu lui dis, c'est toi qui t'es marié. Nous, on t'a proposé l'autre, toi, tu as dit celui-là. Donc maintenant, ce sont tes problèmes, ce n'est pas nos problèmes. On t'avait conseillé celui-là, tu n'as pas voulu. Alors, vas-y avec celui-là. Donc le prophète a dit, il n'y a pas pour deux qui s'aiment comme le mariage. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je m'arrête là. Je ne prends pas, inchallah, beaucoup de temps. Je ne prends pas aussi beaucoup de temps. Subhanak. Non, je ne voyais pas. Non. Ibn Majah, le prophète ne voyait pas pour les amoureux une autre solution que le mariage. C'est celui-là, je parle sur Hadith, exactement. Je parle de celui-là. Je parle de celui-là. Peut-être, je ne sais pas si je vais ajouter 5 minutes ou là je m'arrête là. Attendez, je fais, si on est loin. Bon, Inch'Allah Ta'ala, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Inch'Allah, dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes. Je répondrai à vos questions. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykum. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer inshallah ta'ala pour la réponse des questions. Inshallah ta'ala, chaque personne posera une question, c'est tout. Parce que yani, le temps il ne suffit plus, Allah. Barakallahu fikoum. Je vous demande d'être compréhensif. Jazakumullahu khairan. Et puis sinon, on profite. On est là chaque soir. Alhamdoulilah, on est là chaque soir. Tant que je suis libre, on est là chaque soir. Donc, Inch'Allah Ta'ala, puisqu'on est là chaque soir, posez une seule question. Et demain, après-demain, chaque fois, posez des questions. Et d'ailleurs, vous connaissez mon adresse de Hotmail. Ensuite, bismillahirrahmanirrahim. Une des sœurs m'avait posé une question sur les mails qu'elle n'avait pas bien compris en ce qui concerne le tayammum. Est-ce qu'on commence par les mains ou par le visage? J'ai dit qu'on commençait par le visage, car le Coran avait commencé par le visage. Le Coran a commencé par le visage. Il y a des hadiths authentiques où le prophète a commencé par le visage. Par contre, il y a d'autres hadiths où il a commencé par les mains. Mais ces hadiths-là, la plupart sont daïfs, la plupart. Certains ulama ont dit, sans faire, tu commences par les mains, se basant sur ces hadiths plus ou moins faibles, mais on dit, nous, la meilleure, c'est de commencer par le visage, comme c'est écrit dans le Coran et comme c'est dans les hadiths sahihah, inshallah ta'ala. On commence par Akhina Salafi, tafaddal barakallahu fik. Et pour la aqidah, la question que j'ai posée pour la aqidah, j'ai pas reçu de réponse. Tfadl. Si tu veux prendre le micro, dis-moi, Inch'Allah. Je t'ai enlevé le rouge. Hein. Prendre le micro, d'ailleurs, je te le donne si tu veux le prendre, Inch'Allah. اخي السلفي ممكن عندك مشكلة ان شاء الله ننتقل الى مسلم كولا اتفضل مسلم كولا اتفضل مسلم j'ai une réponse tu m'as posé une question sur les mails est-ce que tu veux que je te réponde maintenant est-ce que tu veux que je te réponde maintenant عليكم السلام ورحمة الله j'ai reçu ton email بارك الله فيك est-ce que tu veux que je te réponde maintenant est-ce que tu veux que je te réponde si c'est oui dis-le moi inshallah ta'ala qu'est-ce que tu veux? Pour moi, c'est mieux que d'écrire, car si je vais t'écrire, ça va être long. Enfin, si je vais t'écrire, ça va être long, ça me prend là beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, te répondre maintenant, Inch'Allah. Une seconde, je vais faire venir Ousmane. Il me dit, ta question, elle est là, je l'ai mise de côté. On cherche seulement ce qu'elle est ici, Fatawa. Voilà, elle est là. Bon. Non, elle est là. Voilà le, voilà la question de Muslim Kola. C'est une question, bien sûr, pour un autre, hein. C'est une question d'un autre frère. Voilà, voilà ce qu'il a dit, Barakallahu fikoum. Il a dit, un frère d'origine française lisait beaucoup la Bible. Lisait beaucoup la Bible. Il a fait un voyage au Sénégal il y a 3 ans. Quelqu'un lui a dit, salam alaikum, il est devenu musulman. Car ça l'a étonné. Et ça lui a fait plaisir que quelqu'un qui l'a jamais vu lui dise salam alaikum. Donc barakallahu fikoum, choufou yani salam alaikum, qu'est-ce qu'elle fait? Salam alaikum, il est devenu musulman. Farad, salam alaikum. Donc ensuite il a dit, et ensuite il a pris des habitudes qui me paraissent exagérées. Et pourquoi? Ce frère dit beaucoup de doua. Il répète régulièrement astaghfirullah wa atubu ilayh. Au cours d'une conversation, il dit tout le temps, Masha'Allah, astaghfirullah, wa atubu ilayh, Allah yahdik. Quand il parle à un frère qui lui est étranger, et quand il fait salam à un frère, il lui dit, salam alaikum, ismi Abdullah. Enfin, il refuse de manger avec la cuillère. Il refuse de manger avec la cuillère et de s'asseoir sur un fauteuil, sous prétexte que c'est sunna de manger à terre et avec les 3 doigts. Et il mange en direction de la Qibla. Il a entendu dire que c'est mieux de manger, et ensuite il a entendu de dire que c'est mieux de manger, de boire une boisson tiède que froide. On ne boit pas le froid, on boit le tiède. El Mohem, il est hébergé chez un autre frère salafi qui a pensé en voyant son comportement qu'il était majnoun. Ce qui est étrange, s'il veut pratiquer le plus possible la sunna. Il aime Habba Saouda, le miel, l'huile d'olive. Il utilise le siwak, il a fait le hajj. Il voulait étudier à Médine, mais n'a pas eu le bac. Donc il a été refusé. Il porte la barbe, le khamis et le turban. Et il est très pressé d'aller à la mosquée. Il a très peur de rater la prière. Il ne peut pas rester en place. Il veut tout le temps sortir. Prendre de l'air. Trouver d'autres mosquées pour se renseigner sur la hijra. Et il fait le siyam le lundi et le jeudi. Il aime lire le Coran en arabe. Et surtout, il est très attaché à Hisnul Muslim. Et il apprend régulièrement les duas. Voilà maintenant la question. Donc, est-ce que le djinn qui le possède, si c'est le cas, est musulman? Le frère, ça m'a fait rire quand je l'ai lu. Tu l'as dit, le frère en question était orphelin de la naissance et il est né dans une famille d'accueil. Le père adoptif est mort et il lui reste que la mère adoptive, mais elle boit beaucoup d'alcool. Le docteur a dit qu'il a un problème d'hormones, il lui a donc prescrit des médicaments. Mais ça lui fait rien, il veut donc se marier, il veut à tout prix émigrer dans un pays musulman, il a choisi l'Algérie. Pouvez-nous conseiller sur ce point et nous dire si il est d'après la description Majnoun, est-ce qu'il est Majnoun? Et est-ce que, si c'est le cas, que faire? Et aussi dans son cas, il peut ou doit émigrer, nous indiquer un endroit en Algérie où il pourra vivre selon la Salafia. Il m'a dit qu'il va d'abord voir, ensuite il économisera Inch'Allah un peu d'argent pour partir définitivement. Donc pouvez-vous nous dire si ce frère agit selon la sunna, dans ce que j'ai cité, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne pourra faire? Enfin, si ce comportement découle d'une secte, pouvez-vous nous dire laquelle et mettre en garde? Naam. Jawab, en ce qui concerne la réponse, de toute façon, il m'a fait rire. Astaghfirullah, il est tout boulet. Et là, il est fermé, il va seulement faire la hijra. Et là, il est fermé. Naam. Je voudrais dire que celui-là, Inch'Allah Ta'ala, je dis Inch'Allah Ta'ala, c'est pas quelqu'un de Majnoun. Il est loin de la folie. Loin, très loin. Et encore moins, il n'a pas de djinn. Il n'a pas de djinn. Celui-là, c'est quelqu'un qui a halawat l'iman. Il sent la halawa dans son cœur, t'as l'iman. Quand on est nouveau, etc., on sent, yani, la halawa, Allah Azza wa Jalla dans le cœur, yani, on est à peu près, goulou halawa, goulou quelque chose de sucré dans son cœur. C'est pour ça qu'il veut faire toutes les choses à la fois. Celui-là, il a besoin de quoi? Il a besoin de tawjih. Il a besoin qu'on lui montre. Pourquoi? Celui-là, c'est une proie نعم يسوي مسح يسوي تساتة هاي المشكلة celui là c'est quelqu'un qui lui manque quoi il lui manque le ilm il n'a pas de ilm miskin celui là c'est une proie il peut tomber chez les tekfiriyin il sera le plus grand tekfiri il peut tomber chez les tebliriyin il sera le plus grand tebliri celui là si c'est les shia qui vont le côtoyer ça va être un grand shia pourquoi miskin il n'a que l'iman il a l'iman mais il n'a pas l'ilm c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit طلب العلم فارض على كل مسلم chaque croyant il est obligé de demander le ilm celui-là il s'est arrêté comme ça il a stagné au premier niveau et il fait des choses comme ça sa tête il croit qu'elles sont bien est-ce qu'on se concerne manger par terre ou là ne pas s'asseoir sur des fauteuils tout cela ce n'est pas interdit quiconque veut s'asseoir sur le fauteuil ou là à table ou là rien de cela n'est interdit celui qui veut s'asseoir à table s'asseoir par terre qu'il s'asseye s'il veut il fait l'intention de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam non il ne sait pas sunna ce n'est pas yani lui il dit cela comme il dit que le turban aussi sur sa tête c'est sunna comme il dit aussi que on doit se diriger vers la qibla se diriger vers la qibla en mangeant c'est là l'une des grandes bidas comme il a dit aussi on ne boit pas une chose froide dans la tiède voilà c'est une grande bida pourquoi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dans le hadith authentique chez Cheikh Al-Albani il aimait quoi il aimait le halwa les choses sucrées ou le barid il aimait la chose froide d'après notre ami Hada non on ne boit pas le froid on va le mettre bouillir un peu ensuite on va le boire la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim en ce qui concerne le turban si tu le trouves dis-lui comme ça une question très simple dis-lui toi tu dis que le turban c'est une sunna nous on dit ça le prophète Islam avait mis le turban mais je voudrais te poser seulement une question très simple tu vas me dire qu'est-ce qu'il se répond et toi Inch'Allah Muslim Kola tu vas me répondre je voudrais savoir quelle est sa réponse dis-lui est-ce que toi je ne sais pas comment il s'appelle ton ami disons qu'il s'appelle Omar dis-lui toi Omar je voudrais te poser une petite question est-ce que d'après toi Inch'Allah, dis-lui, est-ce que d'après toi, toi Abdullah, non, barakallahu fik, ou Abdullah, j'ai une petite question, là, elle-même, si j'ai de la question, je voudrais une réponse, je dors pas la nuit à cause de cette question, chauffe. Dis-moi, Abdullah, barakallahu fik, dis-moi, est-ce que toi, tu connais, ou là, tu aimes les deux, tu connais et tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que l'Albani, plus que Ibn Baz, plus que Ibn Uthaymin, plus que Sidlan, plus que Al-Sheikh, plus que Fawzan, plus que Tu lui donnes 10 ulama, les plus grands ulama qu'il y a maintenant. S'il va te dire oui, je connais mieux qu'eux, tu lui dis pardon. Alors, ou bien tu es un égaré, ou bien j'appelle l'ambulance, je t'emmène à l'hôpital, tu es malade mental. Maintenant, s'il dit non, ils connaissent mieux que moi, dis-lui alors pourquoi eux ils mettent pas le turban. Pourquoi l'Albani met seulement Taqiyya Fouqarasi. Pourquoi il a jamais mis le turban. Pourquoi Ibn Baz ne met pas le turban. Pourquoi Ism ne met pas le turban. Dis-lui et ramène-moi la réponse. C'est pour ça que les ulama ont dit tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Cheikh Ibn Uthaymin qui a dit ça. En question d'habit, tu t'habilles comme s'habillent les gens avec lesquels tu vis s'ils sont musulmans. Si tu vas à Qatar, je ne sais pas comment ils se mettent, tu mets comme eux. Tu viens ici au Koweït, tu mets la chose rouge comme celle des Palestiniens sur ta tête. Pourquoi ? Parce que tu t'habilles d'après, car le prophète alayhi salam s'est habillé à mettre le turban, parce que tous en son temps mettaient le turban. Non, parce que Abu Jahl mettait le turban, tous mettaient le turban. Donc le prophète alayhi salam s'est habillé comme eux. Toi, tu t'habilles comme les gens avec lesquels tu vis, s'ils sont musulmans. Et en ce qui concerne le khamis, là, c'est quelque chose de spécial. Tu vas me dire alors pourquoi je fais le khamis, il y a beaucoup de gens qui ne le mettent pas. Le khamis se dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'était le meilleur habit pour lui. Là, c'est autre chose. Non, mais chauffe, quand il fait quelque chose sur sa tête, mais pas avec l'intention de suivre la sunna, c'est déjà, ça rentre dans la bida. Quelque chose qui n'est pas fait pour la sunna, toi tu veux la mettre pour la sunna. Je vous donne un exemple. Comme certains, par exemple, qui maintenant, ils vont aller où? Ils vont aller à Ghar Hira, le trou de Hira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait là-bas des jours et des nuits jusqu'à ce que Jibril soit venu pour la première fois. Ils vont dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré ici, il est resté beaucoup de jours, nous aussi, on va de temps en temps passer la nuit là-bas. Pourquoi? Juste parce que le prophète est venu ici. On lui dit arrête de faire les bidas. Arrête de faire les bidas. Le prophète al-Islam est venu ici. Jibril lui est descendu. C'était comme ça chez Allah subhanahu wa ta'ala écrit. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ici? Yann, tu vas rester dans le trou ici. Qui va venir? Il y a le shaitan qui va venir. Il y a personne qui va venir. Ou là, tu vas avoir un hajj parce que tu es rentré dans la caverne, tu t'es assis. Ne dis pas ça, barakallahu fik. Wa as'Allah an yu'allimahu. Quelqu'un qui a besoin beaucoup, beaucoup d'aide. Beaucoup de ilm, beaucoup de science. Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyahu, wa an yu'allimahu, wa an yashraha sadrahu l'islam avant que les autres sectes ne le prennent. Il peut partir haut. Bien sûr qu'il peut partir. Non, il peut partir dans ce pays où il veut, et il voit s'il trouve là-bas qu'il est bien, etc. Il reste. Non, laisse-le partir faire la hijra. Laisse-le, peut-être que ça va lui changer d'avis. Peut-être là-bas, inshallah ta'ala, quelle ville conseiller en Algérie? Je ne sais pas. Je ne peux pas lui conseiller une ville, wallah. Je ne sais pas quelle ville. De préférence, bien sûr, c'est la capitale. Parce que la capitale, c'est là où il y a le plus de ilm. C'est dans la capitale et ses environs qu'il y a le plus de ilm. Mais je préfère que ce soit pas moi qui prenne, yani, on m'a dit, Annaba. Peut-être. Je ne sais pas, ça fait 6 ans que je ne suis pas en Algérie. Je ne sais pas exactement ce qui se passe ces dernières années. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Plus je t'affable, plus je t'affable. Fika barakallah. Saïd 91, prépare-toi, barakallah. Le temps que Pujol a écrit quelque chose, s'il n'a pas le rouge. L'autre question, c'est laquelle? Je ne l'ai pas, je l'ai oublié. Quelle est l'autre question, Inch'Allah? C'est quoi l'autre question? Ah, non, pose-la très vite, pose-la très vite, Barakallahu. Pose-la très vite. Dans le livre de l'Al-Qardawi, de la secte, Sijuan, muslim, halal ou haram. Il est dit que la zina avec sa main est permis pour le célibataire en citant des conditions dont je me. Ensuite. Attends, c'était en haut, c'est descendu. Allez. Des conditions dont je ne me souviens pas alors. Je vous demande à dire que disait le Sunnah al-Jama'a cette pratique pour un célibataire. Et ensuite, pour une personne mariée. Et si cette pratique est renouvelée 2 fois dans la même nuit, doit-on faire 2 roues? Désolé pour les sœurs, mais c'est bénéfique pour avoir beaucoup de frères. Wallahu ta'ala a'lam. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adhim. De toute façon, toi tu as dit désolé pour les sœurs, c'est très désolé comme tu as dit toi. Et il y a même des femmes qui font cela. Il y a même des femmes, mal-asif, qui font cela. Je voudrais dire que, ça, celui qui fait cela, il a fait un haram. Celui qui fait cela, il a fait un haram. Marié ou célibataire. Marié, il a fait 2 ou 3 fois plus grand de haram. Parce que marié, Allah Azza wa Jalla lui a donné le halal et il va faire cela. Hada, son iqab sera plus grand que le célibataire, bien sûr. Mais le célibataire, il ne peut pas faire cela. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, quand Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il est venu vers lui, il lui a dit: au prophète, est-ce qu'on peut, on m'a déjà donné une fois ce verbe, j'ai oublié, je crois se castrer, non. Il lui a dit, est-ce que je peux, yani, de mon membre enlever, yani, ce qu'on appelle les testicules. Il lui a dit, yani, on ne peut plus, il n'y a pas de femme, il n'y a pas pour se marier, etc. Est-ce qu'on se castre? Est-ce qu'on enlève les testicules? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a montré que c'était haram. Ce qu'il a dit à Ma'shar Shabab, من استطاع منكم زواج فل يتزوج فإنه أغض للبصر وحسن الفرج ومن لم يستطع et celui qui ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il fait? فعلي بالصيام صيام. Voilà ce qu'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. A dit celui qui peut se marier, il se marie, c'est bien pour les yeux, etc. Et quiconque ne peut pas, qu'il fasse le siyam, le lundi, les jeudis, etc. Donc les ulama ont dit, Ibn Hajr, il a dit dans Fath al-Bari, si le fait de faire avec la main était permis, le prophète, alors, l'aurait montré dans ce hadith. Il lui aurait dit, Et si vous ne pouvez pas vous marier, voilà la solution. Faites avec vos mains. Ma'ad Allah, il a dit, quiconque ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement au siyam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yajuzu fi haqqihi ta'khir al-bayan an waqt al-haja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne cache quelque chose qui se fait. Si c'était faisable, il l'aurait montré là-bas. Mais les ulama comme Cheikh l'Islam et Cheikh Ibn Uthaymin, ils ont dit quand la femme, par exemple, a des menstrues, il est permis qu'elle fasse à son mari, pas à lui-même, elle à son mari. Ensuite, celui qui fait deux fois la nuit, s'il fait deux fois ça, bien sûr, s'il fait consécutif, il ne s'est pas encore lavé, il ne se lave qu'une seule fois. Mais s'il a fait cela, ensuite il s'est lavé, il l'a refait, il va se laver. Et moi, je dis à cette personne qui fait cela, quand tu commences à faire cela, n'oublie pas que Allah Azzawajal est en train de te voir. N'oublie pas que Allah Azzawajal est en train de te voir. Peut-être dans ce cas, tu auras honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être, lève un peu ta tête, regarde en haut, et n'oublie pas que Allah Azzawajal est sur son trône en train de te voir, de faire ce que les animaux ne font pas. Oulayadu billah. Tafadbal akhi, toujours Patrick. C'est la troisième fois que je lui dis tafadbal, il n'a rien écrit. Saïd 91, tafadbal barakallahu fik, pour ne pas perdre de temps, tafadbal. Saïd a dit, alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Moi et trois frères salafis de ma ville, on a quelques petits problèmes avec la secte Jama'at Tabligh. Ils nous provoquent de temps en temps. Quel comportement doit-on avoir avec eux? Ils disent aux gens qu'on est des terroristes. Naam, Jama'at Tabligh hadou, il faut les ignorer, c'est tout. Yani, ne fais pas de problème avec eux. Les Tablighiens hadou, ils ont beaucoup de connaissances. Et si jamais il y a une dispute entre toi et lui, c'est lui qui aura raison sur toi. C'est toi qui vas aller en prison, c'est toi qui vas perdre. Laisse-le dans son égarement tant que tu ne peux pas lui montrer. Tu as une occasion de lui montrer, tu parles comme ça, ça marche, alhamdoulilah. Tu peux pas, c'est lui qui s'est égaré. Là, je l'ai dit dans le Coran, « Ya ayyuhal ladhina amanu, la yadurukum, y a pas de son. » Là, je l'ai dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا زوج لا دون كوران occupe-toi de toi-même. Celui qui s'est égaré, ça ne fait pas de mal. Pourquoi? إذا اهتديتم, si tu as montré, tu as essayé, ensuite il n'a pas voulu prendre ou la te suivre, خلاص, éloigne-toi de lui. Alors maintenant c'est plus grave, il se dit que tu es un terroriste, etc. Celui-là, éloigne-toi au maximum. Tout juste si ça s'arrête, salam salam, si tu as peur de lui, tu lui dis salam pour éloigner yani, les machakis de lui, et ne le cherche plus, barakallahu fikum. C'est très difficile parce qu'il a comme j'ai dit hier, il a des ambiguïtés, il a des choubouhettes. Celui-là, jamais tu peux le gagner. Pourquoi? Il a des choubouhettes, il a beaucoup de choubouhettes. Wallahu ta'ala alam. Non. Toujours, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit, il y a son nom seulement. Est-ce que vous voyez quelque chose? Naam, jazakallahu khair, ça a dit. Nour 79, tafadal. Nour 79, tafadal, barakallahu fik, j'attends ta question. La hawla wa la quwwata illa billah. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل نور, بارك الله فيك, تفضل. Je reviens à une personne, une réponse que vous avez dit hier au sujet de la polygamie. Vous avez dit que les co-épouses pouvaient vivre ensemble dans la maison. Y a-t-il un ikhtilaf? Un autre cheikh répond, c'est interdit. Car un autre cheikh répond, c'est interdit. Tayyib, puisque c'est interdit, tu sais que la règle, c'est que tout est permis sauf avec un dalil. Tu sais ça. Tout est permis en islam. Yani, fil mu'amalat, pas dans les ibadat, pas dans les adorations. Toute chose est permise sauf avec un dalil. Alors, Nour 79, barakallahu fik, tu demandes au cheikh. Tu lui dis, on a dit à quelqu'un, tu dis pas à moi. J'ai dit à quelqu'un que vous aviez dit qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, il m'a dit, je ne connais pas le dalil. Alors, Inch'Allah Ta'ala, rapporte-nous le dalil qui dit que deux femmes ne peuvent pas vivre ensemble. Non, que deux femmes ne peuvent pas vivre ensemble dans une maison. Ça, c'est vraiment étonnant. Ça, ce serait vraiment étonnant. Pourquoi qu'elles pourraient pas vivre ensemble? Pourquoi? Je connais beaucoup de ulama qui ont des femmes ensemble, mais je ne vois pas celui-là pourquoi il dit qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Peut-être, Akhino 79, peut-être, lui, il parle de deux femmes ne peuvent pas vivre ensemble dans des chambres. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être, lui, il parle des chambres. Moi, j'ai pas parlé des chambres. J'ai pas dit que elle pouvait rester dans deux chambres. Non, peut-être qu'il parle des chambres, non 79, il parle des chambres. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas, par exemple, un homme marié à deux femmes, il peut pas faire un rapport avec sa femme devant la deuxième. Ça, c'est interdit, c'est haram. C'est haram. Peut-être qu'il parle de cela, mais vivre dans un appartement et marié avec deux femmes dans un grand appartement, ça, je n'ai jamais entendu que c'est haram. D'accord, Inch'Allah, mais pas d'amir. D'accord, Inch'Allah, ramène-moi le dalil. Jazakallahu khairin. Si vraiment ça existe ça, il nous aura appris quelque chose, alhamdoulilah, de nouveau comme ça. Au moins, on va dire aux gens qu'on s'est trompé. Voilà la vérité, qu'elles ne peuvent pas vivre dans une maison. Inch'Allah ta'ala, essaye demain, Inch'Allah ta'ala, si tu peux. Muhajir Madina, tafaddal. Assalamu alaikum, alaikum salam, ومن فضلك بارابو حديث في سيتي لي 60 que pouvez-vous dire du parti de Ikhwan Muslimin groupe bien sûr égaré comme on sait dont les leaders en France sont Tariq et Hani Ramadan car il y a des musulmans qui disent qui expliquent bien leur dire qui les écoutent barakallahu fik على الاتحاد toute façon c'est la première fois que j'entends de comment qui s'appelle celui-là Tariq et Hani Ramadan bien sûr c'est la première fois que j'entends parler d'eux mais nos frères et nos sœurs qui disent qu'ils sont bien, ils savent bien expliquer. Si, moi je ne les connais pas, ces Tariq et Hani, je ne les connais pas. Mais s'ils sont, comme a dit mon frère Muhajir, s'ils sont de la secte des frères musulmans, et lui il sait mieux que moi, puisqu'il a dit qu'ils sont des frères musulmans, je lui conseille de ne pas les écouter. Même s'ils expliquent bien, de ne pas les écouter. Pourquoi? Parce que, quand quelqu'un ne connaît pas bien le dîn, il ne peut pas dire celui-là explique bien. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais pas bien. Tu vas dire il explique bien. Mais si tu connaissais bien le dîn, tu aurais trouvé beaucoup, beaucoup d'erreurs. Tu aurais trouvé beaucoup, beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que les grands ulama, comme le Fawzan, comme les grands hadoul, Fawzan et Al-Sheikh, etc., ont écrit beaucoup de choses sur eux. Pour montrer leurs erreurs, leurs grandes erreurs, pas les petites, leurs grandes erreurs. Les Ikhwan Muslimin, qu'est-ce qu'ils disent? Les Ikhwan Muslimin, ça ne les intéresse pas la Sunna. Ils aiment arriver fort au Parlement et être gouverneur et ils ne sont pas intéressés par le shirk. Ils ne montrent pas aux gens le shirk. C'est quoi le shirk? C'est haram, la sorcellerie, c'est haram. Si tu jures sur une personne c'est haram, tout ça ils le veulent pas, non seulement ils l'apprennent pas aux gens mais ils le veulent pas, ils le détestent. Ils se disent on parle pas de shirk al-qubur, on parle de shirk al-qusur, on parle pas maintenant de shirk la tombe et ça, c'est dépassé, on parle du shirk du gouverneur. Pourquoi le gouverneur il nous donne pas on juge par l'islam? C'est ça le grand shirk pour eux. C'est une secte qu'il faut éviter parce qu'à force de les écouter, tu vas les suivre sans le vouloir, tu vas les suivre, tu vas dire, voilà, ils parlent bien, ils sont, masha'Allah, ils sont ouverts, masha'Allah, Allah, ils s'habillent bien, ils s'habillent propre, regarde, il est cravaté avec un costume, masha'Allah, la barbe, elle est bien rasée, masha'Allah, celui-là, bien rasé, hein, comme qui, les Ikhwan Muslimin, comme Amrou Khaled, vous connaissez Amrou Khaled, là, c'est un frère musulman, c'est l'un des chefs, peut-être, frère musulman. Il y a beaucoup de gens qui te disent et Amrou Khaled, en fin de compte, il y a beaucoup de femmes, etc., qui ont fait le repentir à cause de lui. Ça, on fait le repentir. Masha'Allah. Mais lui, est-ce qu'il est dans le Minhaj Salaf? Qu'est-ce qu'il va leur apprendre? Ou bien il va raconter des histoires pleines de hadith ba'ifa? Est-ce qu'il va raconter des histoires pleines de hadith ba'ifa? Ensuite, comme a dit Cheikh Fawzan, Allah, Il a dit pourquoi, lui ou bien un autre, un grand, l'un des grands, il a dit pourquoi il commence pas, lui il commence pas par la barbe. Pourquoi il ne fait pas la barbe lui et il dit aux gens il faut aimer le prophète et on l'aime. Et pourquoi lui quand il est parti au Hajj cette mara, cette dernière fois il est parti au Hajj, on l'a montré hein, en télévision, le Hajj, les gens derrière lui, pourquoi il ne met pas le qamis? Il vit à Londres s'interdit le qamis et le la robe et le la barbe. 10 ans en Égypte, c'est interdit, 10 ans. Maintenant tu es à Londres, pourquoi tu ne mets pas le qamis et la barbe? C'est interdit. Tu es très connu. Qui va te prendre te faire entrer en prison? Jamais ils vont le faire. Ensuite, maintenant, tu n'es pas à Londres. Tu es à Hajj. Hajj. Tu es à Mecca et Medina. Pourquoi tu ne laisses pas au moins la barbe là-bas? Laisse-la 10 jours, au moins 10 jours. Pourquoi tu ne mets pas le qamis là-bas? Il vient avec un demi-manche de bardeur et un blue jean serré. Un blue jean serré et il marche en plein Hajj, en plein Mecca, en plein Medina. Comme a dit Fauzan, je ne sais pas. Il a dit, commence-toi par pratiquer. Pratique-toi, ensuite dis aux gens qu'il faut pratiquer. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur apprend? Des choses, la vie de X, la vie d'Y, plein de hadiths faibles. Plein de hadiths faibles à l'intérieur. Ensuite, moi, une fois, il y a un grand savant qui est venu ici au Koweït. J'ai levé ma main, il m'a dit football. J'ai une question à poser. Il m'a dit football. Justement, elle a eu l'occasion de lui poser cette question. Je vais lui poser cette question et je vais voir, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va me dire, ce savant. Je lui ai dit, Barakallahu fikoum. Qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous pensez de certains gens qui disent « Moi, je préfère écouter Amr ou Khaled, Alhamdoulilah, moi, il dit des versets, des hadiths, plutôt que de voir un film policier américain. » Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ce que m'a dit le alim, « Wa la hawla wa la quwwata illa billah. » Il m'a dit « Moi, s'ils voient le film policier américain, c'est mieux qu'ils entendent Amr ou Khaled. » Subhanallah, pourquoi? Comme je vous ai dit hier, il m'a dit parce que les péchés, il y a deux sortes, l'égarement, il y a deux sortes. Celui des tentations et celui des ambiguïtés. Shehawet ou Shubuhat. Il m'a dit quand tu vois un film policier, c'est Shehawet. Dès que tu es à la télé, tu oublies. Mais quand tu écoutes Amr ou Khaled, c'est Shubuhat, c'est des ambiguïtés qui rentrent dans ton cœur. Ensuite, qui va les faire sortir? Personne. Khlas, ton cœur a bu certaines choses que tu as entendues, des hadiths faibles, etc. Maintenant, qui va faire sortir ça? Qui va te faire sortir des frères musulmans pour te rentrer dans la salafia? C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que quiconque le suit, ou suit quelqu'un comme lui, jamais il peut le lâcher. Ensuite, il écoute une, deux, trois fois, ça lui plaît. Ensuite, il veut comprendre l'islam d'après lui. S'il a quelques problèmes, il te dit, je vais pas chez Cheikh Ibn Baz ou là. C'est Amr ou Khaled qui va me répondre. C'est tout, c'est lui. Parce que je l'aime, dès que je l'entends, je pleure. Je veux poser la question à aucun autre. Je pose à celui-là. La hawla wa la quwwata illa billah. Je dis pour connaître si quelqu'un est alim, il faut que toi-même tu sois alim. Il faut que tu aies du ilm pour comprendre. J'ai donné une fois un exemple. J'ai dit, je sais pas moi, en français, il faut que tu saches toi un peu le français pour que tu dises celui-là, il parle bien français. Maintenant, moi, j'ai aucun niveau en français. J'entends quelqu'un qui va dire, j'ai pris l'eau cuillère. J'ai mangé la pain, au lieu de dire le pain. Je vais dire, celui-là, il parle, mashallah, français. Il parle pas bien français, celui-là. J'ai dit comme ça, parce que moi, je connais pas le français. Je sais pas qu'on dit le pain. Je sais pas qu'on dit, c'est pas ce que j'ai donné comme exemple. Il faut que tu saches, toi, la chose pour que tu dises celui-là, il sait ou il sait pas. C'est comme quelqu'un qui dit en arabe, il dit, inna Allahu. Tu vas dire, celui-là, il est mashallah. Non, il faut dire, inna Allah. Allah. Il faut qu'il devienne mansoub après inna. Il n'y a pas de raf. C'est faux de dire inna Allahu. Il faut que tu connaisses toi les règles pour dire celui-là il sait parler l'arabe. La même chose. On ne peut pas dire que quelqu'un il a des choses, etc. Si toi tu n'as pas d'aile. Wallahu ta'ala alam. Abu Muhammad tafaddal barakallahu fik. Mouhajir Medina, je ne sais pas si tu étais hier avec nous, car j'ai parlé de ça hier. J'ai dit que celui qui m'a posé la question sur le hijra, qui se trouve dans le Nasa'i, j'ai dit que je voudrais qu'il me donne le début du hadith. Donne-moi le début, comment on commence le hadith, et moi, Inch'Allah, je te viendrai avec l'explication de ce qu'on dit des ulama. Donne-moi d'abord comment on commence le hadith. Je ne peux pas le trouver comme ça. J'ai cherché dans les livres de l'Albani, je ne l'ai pas trouvé sur computer. Femme, donne-moi comment il commence, Inch'Allah, le début. Mohamed a dit, Abou Mohamed, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir au juste du fait de recevoir un cadeau quand on a fait l'intercession auprès de quelqu'un. Ma question est, peut-on recevoir un cadeau si on aide seulement une personne? Naam, si tu aides quelqu'un et il te fait un cadeau, ça ne fait rien. Mais je ne sais pas quelle aide. C'est pas une aide, c'est pas tu vas à une autre personne et lui dire accepte ceci, accepte cela. Il faudrait bien faire l'intercession, la différence entre l'intercession Shefa'a. Shefa'a, ça veut dire il y a, tu vas être, il est seul, tu vas être le deuxième. Shefi'a, tu vas être le deuxième. Shefa'a, Shefi'a ou Shefi'a. Maintenant, si j'aide quelqu'un, par exemple, je trouve quelqu'un en panne, je descends de ma voiture, hein, je l'aide, etc. Je lui gonfle la roue, je lui passe la roue, etc. Il monte dans la voiture, avant de partir, il me dit, pardon, une seconde. J'ai quelque chose à te dire. Je lui dis, tfadal. Il sort de sa bouche, Il sort son portefeuille, de l'argent, il me donne. Ou là, il me donne sa montre. Ou là, hada, inshallah ta'ala, c'est pas interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, men sana ilaykum ma'roufan takafi'uh. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque vous fait quelque chose de bien, takafi'uh. Yani, donnez-lui la même chose au moins. Si tu donnes plus, c'est mieux. Il a dit, si vous ne trouvez rien, au moins le doua. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu dis à quelqu'un qui te fait du bien, jazakallahu khayran, comme ça, cette phrase, jazakallahu khayran, il lui a dit, tu as fait, il n'y a pas mieux que cela. On se concerne les doua. Quand tu dis à quelqu'un, jazakallahu khayran, si tu as fait du bien. Donc il faut faire la différence entre être chafi' et entre aider quelqu'un qui est en panne ou là, qui est malade ou là. Ça, c'est autre chose, inshallahu ta'ala. Abu Maryam, tafaddal, barakallahu fiqh. نعم سي صاحب محمد جزاك الله خيرا ابو مريم السلام عليك يا شيخنا وعليك السلام ورحمه الله جيسبر كو زالي بيان ان شاء الله ما كيسون ايتيل بيرمي دوتيليزي لا ميتوال سي كوا لا ميتوال بارك الله فيك سي كوا لا ميتوال لان الجواب فرع عن التصور صح الفوق جو ساش سي كوا لا ميتوال اونسويت جو ريبون Naam, je crois que j'ai compris, Inch'Allah Ta'ala. On vient me dire en PV, c'est Osmo. Pour être remboursé, etc. Pas mutuel, une sorte d'assurance pour être remboursé, etc. J'ai compris. Abou Maryam, j'ai compris. Si tu m'entends, dis-moi un, je te réponds. Si tu m'entends, c'est pas la peine d'expliquer. Naam. Chose. La mutuelle. Et la, comment qu'on dit, termine, l'assurance de la voiture, l'assurance chez dans une société, l'assurance, tout ça, c'est interdit en islam. Même l'assurance de la voiture, c'est interdit en islam. Mais il y a des choses que tu es obligé de faire, et c'est lui qui a le ithm. Parce que moi, si je fais pas l'assurance, je peux pas avoir de voiture. Donc moi, j'assure ma voiture. Et c'est lui qui va avoir le hythme et le péché. Mais quand je l'assure au minimum. Je ne vais pas assurer le pare-brise. Ensuite, je l'assure à vie. Ensuite, j'assure pour le feu. J'assure la base seulement. Yani, ce que, si je n'assure pas, il n'accepte pas. Donc, j'assure le minimum, c'est tout. Pour sortir des hythmes. Donc, aller à la mutuelle pour s'assurer ça, tout ça est haram. Sauf si, comme en Algérie ou là, c'est la mutuelle qui te prend elle-même. Elle prend par exemple, tu le veux ou tu le veux pas, elle te prend le draham. Si c'est elle qui prend elle-même, bien sûr, c'est plus fort que toi. Comme dans beaucoup de pays, c'est l'État qui prend lui-même, il prend 2% ou là je ne sais pas, il te dit ça c'est pour ta retraite, etc. Ça c'est lui qui a pris, c'est pas moi qui lui a dit. C'est pour ça que justement, c'est pour ça que, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, l'Aïchmou, a dit, maintenant tu sais, par exemple, surtout en Algérie, par exemple, ils te prennent de l'argent, ça s'appelle l'assurance, par exemple, de la maladie, etc. En Algérie, ça existe ça, peut-être en France aussi, ils te prennent de la paye toujours, je ne sais pas combien, ça s'appelle l'assurance. Quand tu es malade, tu achètes les médicaments, ils te rendent. Ça, ils te rendent. Ici, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, dans un cas comme celui-là, toi tu comptes, combien tu as donné par mois et pendant une année, par exemple, ça fait une année que tu donnes. Combien qu'on t'a pris pendant une année? Et lorsqu'ils te donnent, eux, l'assurance, tu ne prends que ce que tu as donné. L'autre, il a dit, tu le donnes aux pauvres et aux nécessiteux. Quelqu'un qui est assuré, il donne par exemple 10 euros par mois, ça fait 120 euros par an, il ne doit prendre que 120 euros. Si ça fait un an qu'il est assuré. Les autres, il les donne aux fuqara et aux mesakin. Aux fuqara et aux mesakin. Wallahu ta'ala a'lam. Comme Suleyman du 13, tafaddali. C'est un peu difficile, Abou Mariam, ce n'est pas facile. Mais fattakullah mastatahtum. On vit dans des milieux très difficiles. On vit dans des choses, on les vit qui sont vraiment difficiles. Fattakullah mastatahtum. Essaye d'avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Maximum, yani ce que tu peux. Salam alaykum, cher. Alaykum salam, alhamdulillah. Une sœur voudrait se marier, mais ses parents ne veulent pas à cause des études. Ils veulent qu'elle termine. Elle est débutante de le minhaj et a des demandes en mariage. Que lui conseillez-vous, cher? Elle veut avancer. Elle veut avancer où? Yani au mariage, est-ce que c'est ça la phrase? Elle doit avancer où? Je ne suis pas en âme. Elle veut avancer où? J'ai pas compris la dernière phrase. Ah, dans le din. Ça. Chefti, Jazakallahu khair. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai compris. Elle veut avancer peut-être dans le mariage. C'est quoi la relation de évoluer dans le din avec Yannis Osmo? Avec le mariage, etc. Yani elle veut évoluer dans le din, donc elle veut faire des études, c'est ça ce que tu veux dire, ça? Donc elle veut faire des études, est-ce que c'est ça? Ou là elle veut se marier, j'ai pas compris. Pourquoi tu as dit elle veut évoluer dans le din? Ça veut dire elle est à l'école, naam. Moi je lui donne un conseil, elle veut arrêter, ça. Je lui donne un conseil en se mariant. Naam, elle veut s'arrêter en se mariant. Elle évoluera dans le din. C'est comme ça. Maintenant, j'ai compris. Non. Je lui donne un conseil. Elle essaye de convaincre ses parents. C'est la meilleure des choses si elle peut. Comme ça, elle aura quoi? Elle aura l'obéissance des parents. Et elle aura, inshallah ta'ala, le mariage et le din. Parce que c'est difficile. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Je sais qu'ils veulent pas. Maintenant, si elle a une solution. Comment elle peut arrêter sans qu'elle fasse des problèmes avec ses parents, qu'elle le fasse. Il faut qu'elle cherche la solution. Il lui dit on accepte jamais ou quelque chose comme ça, ça. Il lui dit qu'elle se fait marier avec son. Qu'elle se fait remarquer avec son hijab. Elle se fait remarquer avec son djilbab. Justement, si elle se fait remarquer, pourquoi qu'il s'en débarrasse pas en la mariant? Pourquoi il la laisse pas se marier et qu'elle sera loin d'eux? Elle sera loin d'eux. Pourquoi il veut ça? Non, moi je voudrais lui dire comme réponse, il y a certaines choses où on peut pas. Justement, c'est ça. Elle va avoir beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il y a certaines choses comme ça familiales. La vérité, il lui est très difficile de répondre. Parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe à l'intérieur. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est pas facile, pas difficile, est-ce qu'elle est convaincante, elle peut pas convaincre. Il y a beaucoup de choses qui manquent, yani, comme ça, pour que je puisse répondre. C'est pour ça que la meilleure des choses, c'est que elle revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle fasse beaucoup de dua, elle fasse la nuit, qu'elle fasse la prière. Non, la nuit, elle fait la prière, elle fait beaucoup de jeûnes, hein, elle jeûne le lundi et le jeudi, elle lève ses mains la nuit lorsque ses parents dorment, elle se lève, elle fait les ablutions, elle fait la prière, lorsque l'Azawil descend vers ce bas monde et il dit, vers le ciel du bas monde et il dit, Est-ce que quelqu'un yani, voudrait quelque chose, lui répond, etc. Je lui exauce. Là, elle fait des doigts, car les cœurs de toutes les personnes sont entre deux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal peut changer le cœur du jour au lendemain. Et moi, si je lui dis arrête, ensuite elle va avoir de gros problèmes avec ses parents. Je lui dis va à l'école. Elle veut pas. Elle a des problèmes. Je lui dis de, inchallah, patienter un peu, de faire les doigts. Et nous, inchallah ta'ala, on va lui faire les doigts. Donc, il lui fait les doigts, inchallah ta'ala. On l'oubliera pas dans les soudoutes. Car quand quelqu'un veut faire les doigts, il les fait dans les soudoutes. Il est plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, si elle est sincère, inchallah ta'ala, il lui fera Allah Azza wa Jal une issue très prochainement, inchallah ta'ala. Jazakillahu khairan. Salafiyya bi'idhnillah, tafaddali. Wa alayhi salam wa rahmatullah wa barakatuh, Sulayman. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh, maghfiratou. Ma question par rapport au dernier hadith, vous avez la seule solution de mots et le mariage. Naam. C'est quoi exactement la solution? Pardon, c'est quoi exactement la question? Je voulais savoir si lorsqu'une attirance physique est présente entre deux personnes voisines, en vue d'un mariage, si Allah le désire, et qu'aucun échange n'est fait à part un salam de temps en temps, car il connaît le père. Est-ce qu'on se dit comme un fitna par rapport à la parole? C'est quelque chose, inshallah ta'ala, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Tant qu'il n'y a pas, tu l'as bien dit, tant qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, on ne s'écrit pas des lettres, on ne téléphone pas, on ne fait pas ceci. Ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur que personne ne peut enlever. C'est quelque chose qui est dans le cœur fait pour cela qu'il est considéré à celui qui trouve ça dans son cœur, de se marier avec la femme et le contraire. Mais ce qui est interdit en islam, c'est de téléphoner à cette personne, de lui envoyer les photos de qu'on font les ignorants et qu'on font ceux qui n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal, quand il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit dans le Coran, walau a'jabaka husnuhun, il lui a dit, tu n'as pas le droit de te marier après celle-là, même si yani, il y a des femmes qui te plaisent. Donc, il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une femme et qu'il lui plaît, la femme. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très normal, et le contraire est aussi valable. Mais ce qui est interdit, c'est de faire le haram. Maintenant, ils sentent quelque chose dans le cœur, ils demandent le mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit quand quelqu'un de vous, naam, j'arrête inshallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit quand quelqu'un de vous, par exemple, il marche dans la rue, et que, par exemple, il voit une femme qui lui plaît, ça c'est un hadith sahih, apprenez bien ce hadith. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith authentifié par l'Albani, il a dit quand quelqu'un marche dans la rue, des fois tu lèves les yeux sans le vouloir, tes yeux tombent dans les yeux d'une femme ou là sur le corps d'une femme sans le vouloir, tu l'as pas voulu, tu sens quelque chose dans ton cœur. Il a dit, Qadi alayhi salam, il a dit qu'il revienne, celui qui a vu cela, qu'il revienne chez lui vers sa femme, elle a ce que l'autre a. Voilà comment qu'a dit le prophète alayhi salam. Quand tu reviens vers ta femme, ça veut dire que tu reviens bien sûr pour faire le rapport avec elle, ce qu'a l'autre femme, ta femme l'a aussi, c'est la même chose ce qu'a l'autre, ta femme là. Donc voilà le grand avantage pour celui qui est marié. Celui qui est marié, il voit quelque chose dans la rue ou là, il revient vers sa femme. Et ceux qui ne sont pas mariés et qui ont de l'argent pour se marier et qui ont la puissance physique pour se marier et ils sont dans la fitna, il y a les femmes, etc. Ils ne se marient pas, ceux-là ils ont des hitmes. Pourquoi? Parce qu'il se fait brûler le cœur, plein de tentations et il n'a pas d'issue. Donc, il va faire avec sa main, il va faire avec un homme, il va faire le haram, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il se marie, inshallah ta'ala. Le temps il passe, inshallah ta'ala. Je vais m'apprendre, et alaykoum salam, je vais m'apprendre, inshallah ta'ala, et vous apprendre aussi comment respecter l'heure. Je m'apprends à moi-même, car je dors toujours après le fajr. Et deux fois, même après le fajr, j'ai même pas besoin de dormir. De là-bas, je vais au travail. Je vous laisse, inshallah ta'ala. On se rencontre, inshallah ta'ala, demain pour le dars de la vie du prophète Adam alayhi salam. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.